Ardennes. Dans la journée, le vent sera un peu plus fort encore et puis des nuages plus compacts arriveront par l'ouest. Ils pourront donner quelques averses sur le bord de mer. Sur les autres régions, on va garder des éclaircies parfois généreuses et puis côté température, elles resteront stationnaires par rapport à aujourd'hui. Bon après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. Des militaires belges sur des images diffusées par le groupe État islamique. Sont-ils devenus des cibles? Une enquête est ouverte. Le patron de l'armée recommande de ne pas céder à la panique, mais demande aux militaires de faire attention à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Les petits actionnaires de Brussels Airlines ne veulent pas se laisser faire. Ils ne sont pas d'accord avec le montant proposé par Lufthansa pour racheter la compagnie belge. Ils veulent aussi que Brussels Airlines garde un ancrage belge. Une nouvelle patronne pour l'équipe belge de tennis, Dominique Monami, prend la tête de la Fed Cup. Et puis nous verrons dans ce journal si vous partirez prochainement en vacances sur Mars. Elon Musk, le célèbre homme d'affaires américain, a l'intention de construire une ville sur place, d'y organiser des escapades touristiques. Pas sûr que ce soit une excellente idée, on vous dit pourquoi dans un instant. Le journal de 13h, celui de la mi-journée, présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Les militaires belges dans le collimateur du groupe État islamique. Des photos publiées par des militaires sur les réseaux sociaux ont permis de les identifier et ces militaires seraient désormais des cibles potentielles des djihadistes. Une enquête, Patrick Michel, est ouverte au parquet fédéral. Une enquête destinée à déterminer quelles sont les personnes en contact avec les donneurs d'ordre en Syrie. Le parquet fédéral a confirmé l'existence des menaces. Elles sont adressées via Telegram. Ce sont des contacts en Belgique du djihadiste Rachid Wassim qui sont les destinataires de ces messages. Côté militaire, Marc Opernol, le patron de l'armée, estime que toutes les précautions ont été prises pour protéger les personnes concernées. Il faut situer ça dans le contexte général. C'est quelque chose qu'on suit avec nos services de renseignement et les services de sécurité. Je crois qu'on a pris toutes les mesures possibles pour le moment. Donc on a averti les concernés. Mais le général ajoute qu'aucune information sensible ne s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Quelques photos de militaires en uniforme tout au plus et une voiture dont la plaque est identifiable. Un rappel des mesures de sécurité était adressé à tous les militaires. Il y a aussi en ce moment ce procès devant le tribunal correctionnel de Charleroi. 6 terroristes comparaissent. Ils sont suspectés d'avoir entraîné des personnes au maniement des armes, d'avoir recruté des combattants pour les envoyer en Syrie. Les 5 prévenus présents ont contesté ce matin ce qui leur est reproché. Pourtant, dans son réquisitoire, la procureure générale a tenté de démontrer l'existence à Charleroi d'un véritable noyau de recruteurs. Le procès se poursuivra dans les semaines qui viennent. Au procès Westphal aujourd'hui, devant la cour d'assises du Hainaut, de nouveau une succession de témoins, parmi lesquels les réceptionnistes de l'hôtel où les faits se sont déroulés, l'hôtel Mondo à Ostende. L'écrivain Pierre Mertens, ami de Véronique Piroton, a également été entendu ce matin, mais évidemment le temps fort de la journée est programmé pour cet après-midi avec la comparution de l'amant dont le rôle reste trouble dans cette affaire. La compagnie aérienne Brussels Airlines va-t-elle disparaître et devenir 100% allemande? La Lufthansa, on le sait, entend racheter la compagnie belge. Elle possède déjà 45% de la société et serait prête à débourser 2,5 millions d'euros pour contrôler les 100% de la société. Mais les petits actionnaires, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent plus et surtout, ils veulent garder un ancrage belge à Zaventem. Ils l'ont dit au conseil de surveillance de la Lufthansa qui se réunit aujourd'hui. Serge Villain fait partie des signataires. Il intervient au nom de la Société Régionale d'Investissement de Bruxelles, un des actionnaires historiques de la compagnie belge. L'aéroport de Bruxelles, comme tout le monde sait, est dans l'interland de la région Bruxelles-Capitale et avoir des engagements vagues sur le fait que la compagnie resterait maximum 2 ans à l'aéroport de Bruxelles, ça c'est franchement beaucoup trop peu. Même si l'aspect financier nous importe, il est clair que pour nous, les activités dans l'interland de Bruxelles et à Bruxelles, si c'est que 2 ans, franchement, c'est dérisoire. Est-ce que vous avez gagné quelque chose par rapport à ce rachat? Dans l'état actuel, les choses, rien du tout. Pourquoi? Mais Parce que le prix est évidemment trop bas. Et ce qui est très curieux, c'est tout ça se fait sur un raisonnement bizarre. Mais comme c'est pas ça ma principale priorité, c'est l'activité économique et l'emploi. Le reste est effectivement important, mais c'est subsidiaire. Serge Villain de la Société Régionale d'Investissement à propos du rachat de Brussels Airlines par la Lufthansa avec Maxime Binet. Les 600 obus de la Première Guerre mondiale sont tous évacués de Bastogne. Lundi, des ouvriers d'Aurès ont découvert un premier engin, puis ils ont mis la main sur un véritable stock de munitions. Dans le petit village de Michamp, près de Bastogne donc, les ouvriers faisaient des travaux d'élagage quand ils ont aperçu les pièces. Il s'agit de munitions allemandes. Alors ce n'est pas étonnant, vu la présence de l'armée prussienne dans le coin à l'époque, mais est-ce logique d'en avoir découvert autant d'un coup? Nicolas Lefebvre a posé la question à Fabrice Girardi de la zone de police Centre-Ardennes. Autant, non, ce n'est pas normal, parce que ce n'est pas un dépôt sur lequel on est tombé. C'est un dépôt ici, c'est un stockage qui a été fait par quelqu'un. Vous dire quand, vous dire comment, dans quelles conditions et par qui, ça nous ne le savons pas. C'est l'enquête qui va le déterminer. Est-ce que l'on savait s'il y avait quelque chose à cet endroit précis en 14-18? Je ne sais pas vous dire si réellement je n'ai pas les cartes, mais je peux vous dire qu'il y a 2 ou 3 ans, j'ai été contacté pour trouver à peu près 5 obus comme ça. Et il y a à peu près 2-3 mois d'ici, on a retrouvé un obus Première Guerre mondiale allemand de 7,5 cm, un obus canon. Obama, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et même le pape François seront vendredi en Israël comme beaucoup d'autres chefs d'État pour les funérailles de Shimon Peres. L'ancien président d'Israël, prix Nobel de la paix, est décédé cette nuit à l'âge de 93 ans. Il était le dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Shimon Peres avait œuvré sans relâche pour la paix au Proche-Orient, c'est ce que déclare le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. En fait, tous les dirigeants des pays occidentaux ont salué ce mercredi, la mémoire de l'ancien président israélien. Le monde arabe est moins prompt à le faire. L'autorité palestinienne jusqu'ici ne s'est pas exprimée. Le Hamas, organisation islamiste palestinienne, de son côté a déclaré que le peuple palestinien était heureux de la mort de ce criminel, je cite. En sport, la suite des matchs en Ligue des Champions ce soir, le Bayern Munich se déplace à l'Atlético Madrid, le club de Carrasco. Barcelone est à Mönchengladbach, le club de Thorgan Hazard, et Manchester City est au Celtic Glasgow. Hier, je vous le rappelle, Bruges a été lourdement battu, défaite 4-0 à Copenhague. En tennis, l'équipe nationale des femmes, la Fed Cup, change de patronne. Dominique Monami succède à Anne De Vries, ancienne 9e mondiale, actuelle directrice du tournoi Challenger de Mons et coach mental en entreprise ainsi qu'auprès de sportifs. Dominique Monami garde de très bons souvenirs de la Fed Cup en tant que joueuse. J'ai toujours personnellement adoré jouer en Fed Cup et jouer pour mon pays. Et donc le fait d'être un jour capitaine de Fed Cup, c'est quelque chose auquel je tenais à cœur. Naturellement, il fallait avoir l'opportunité. Et donc ici, quand on m'a proposé naturellement cette possibilité, je voulais quand même réfléchir et en discuter avec les présidents. Mais je suis super contente en fait qu'on ait pensé à moi. C'est une belle reconnaissance aussi pour ma carrière que j'ai eue dans le passé et c'est cette carrière en fait et cette expérience que je vais certainement mettre à profit pour cette équipe. Dominique Monami avec David Bertrand, premier rendez-vous en tant que capitaine le 11 et 12 février contre la Roumanie. En tennis toujours, David Goffin, déjà hôte du tournoi de Shenzhen en Chine, il a perdu contre le 55e mondial, le Tunisien Jaziri. Et maintenant, est-ce que ça vous dirait de voyager sur Mars ? Le milliardaire Elon Musk a bien l'intention d'y envoyer du monde. Le patron de Tesla l'a annoncé hier au Mexique. Avec sa société SpaceX, il enverra des fusées de 100 passagers sur la planète rouge. Prix du voyage, 100 000 euros tout de même. Premier départ 2024. Mais au fait, que va-t-on découvrir là-bas ? Romain Bardet a posé la question à Véronique Dehan. Elle est planétologue à l'Observatoire Royal de Belgique et vous allez l'entendre. La planète Mars, c'est pas Phuket ni la Guadeloupe, c'est même pire que la mer du Nord. On est à des températures entre moins 150 degrés et plus 20 degrés. Il peut neiger, mais il neige là-bas du CO2, parce que l'atmosphère, elle est constituée de CO2 essentiellement. Donc il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas moyen de respirer, en tout cas, à la surface de Mars. Donc il faut aussi la technologie pour qu'un humain puisse respirer à la surface de Mars. Si on arrive à produire la technologie, est-ce que ça vous semble vraiment réalisable sur le long terme ? Sur le très long terme, probablement. Il faudra vraisemblablement emmener énormément de matériel pour pouvoir justement générer cet oxygène, générer l'eau liquide à la surface de Mars. Mais je pense que ça, il y aura moyen de le faire. Combien d'années à peu près, si vous dosiez ? Je pense que je ne serai plus là, je ne serai plus sur Terre pour le voir. Moi, je dirais une centaine d'années. Et avant ça, sur le plancher des vaches, sur les routes, Anne-Michel Vloubert, comment ça se passe cet après-midi ? Eh bien, sur le plancher des vaches, ça se passe très bien. C'est plutôt calme. On a une chaussée dégagée sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure. Entre Tervuren et Leona, la chaussée est donc bien dégagée. Cela dit, la circulation est encore ralentie. Vous perdez encore près d'une vingtaine de minutes en direction de Waterloo. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, on prend la vie du bon côté. Allez, on va dans la cuisine avec vous aujourd'hui. Oui, mais la cuisine sur Mars. La cuisine sur Mars, c'est frais. En tout cas, pas besoin de frigo, on l'a entendu. À moins 150. Mais déjà ça, un peu d'économie hein, finalement. Voilà. Comment aménager notre cuisine, en effet. On a 2 heures pour parler de ça. Merci pour ce journal. L'info revient cet après-midi à 14h. Maintenant chez Bélisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bélisol avant le 2 octobre. Bélisol. Plus d'infos sur bélisol.be. À 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bienvenue, on a envie de l'apprendre à nouveau, la vie du bon côté, 2 heures par jour, hein ? Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est déjà un bon début. On va en effet aujourd'hui parler de l'aménagement de votre maison, mais attention, l'aménagement de votre cuisine. Voilà ce que vous nous proposez aujourd'hui, Annie De Teux, grâce à vos conseils en habitat-thérapie. On demande donc aux auditeurs et aux auditrices d'aujourd'hui de nous dire où se trouve la cuisine dans leur habitation. Hein, est-ce qu'elle est à l'arrière, à l'avant ? Exactement, à droite, à gauche, voilà. Tout ça. Expliquez-nous aussi comment la lumière entre dans la cuisine. Ça, oui. C'est important. C'est, donc, hein. Si on a le soleil qui passe par les fenêtres le matin ou le soir, par d'accord. Exemple. Le frigo, on vient d'en parler, oui. Mais voilà, la place du frigo. Oui, et si c'est un frigo intégré ou un frigo américain. D'accord. L'îlot central, l'évier, où est-il situé ? La couleur des murs. La couleur des murs. Si vous venez de changer la couleur des murs, parce que ce qui vous intéresse toujours, c'est que les auditeurs nous racontent des changements qui sont survenus après une transformation, après un changement dans la maison. Exactement. Et comme je l'explique et je le rappelle chaque fois dans chaque émission, ce n'est pas la décoration qui crée les modifications dans notre vie, c'est parce que notre vie est en train de changer, ouais. Que nous faisons changer la maison. Hein. Voilà. Donc c'est important de leur dire, tiens, est-ce que vous avez changé quelque chose ces derniers temps ? Est-ce que vous avez modifié la pièce ? Est-ce que vous avez rendu une cuisine dans une annexe ? Est-ce que vous avez changé ? Oui, pour quoi que ce soit, même le mobilier peut-être, si c'était du bois, s'ils ont mis autre chose. Ou aviez-vous une cuisine fermée et maintenant elle est ouverte sur le living ? Par exemple, est-ce que vous mangez plus souvent dans la cuisine qu'avant ou moins souvent qu'avant ? Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Et les rapports dans votre famille, bien sûr, parce que quand on parle de vous, c'est aussi votre famille, ceux qui sont là tout autour. Bon, 070-23-33-23, SMS 30-63 via la page Facebook aussi, vous pouvez nous contacter. Nous contacter, voilà, nous rejoindre. Il y a aussi le mail, l'email, laviedubonconcote@rtbf.be. Les repas, on en parlait tout à l'heure avec Sébastien Olveau, venez nous dire si vous cuisinez, comment se déroulent les repas, est-ce que vous mangez de façon paisible? Mettez-vous les petits plats dans les grands, mettez-vous la table quand vous mangez ou mangez-vous sur un coin de table. Tout, on veut tout savoir. Tout. Les animaux domestiques qui sont dans la cuisine. Est-ce que vous les mangez le soir ? Est-ce qu'on les mange ? Non, pardon, pas ça. Moi, j'ai un cochon d'Inde. Alors, chaque fois que je monte le cochon d'Inde, on me dit, tu sais, on peut le manger. Oui, je sais. Mais pas chez moi. Voilà, pas chez moi. Bon, allez, venez donc pour l'aménagement de la cuisine avec Annie De Teux. C'est parti. La vie du bon côté. où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Quand on parle de la cuisine, c'est sûr. Tout ce qui est doré. Le lac, avoir une cuisine qui donne sur un lac. Un lac. C'est bien ça, un plan d'eau à l'extérieur, vu sur un plan d'eau à l'extérieur. Pourquoi pas ? Bon, d'accord, donc on sait ce qu'il nous reste à faire dans le jardin. Oui, mais ne pas transformer jardin en lac quand même, hein, ce n'est pas la meilleure idée. Bon, je lis déjà des messages sur la page Facebook. Clarisse, elle nous dit, moi depuis que j'ai acheté 1000 éviers à ma bonne hauteur, je me sens mieux pour faire à manger. Ah, il est certain que dans la cuisine, un point très important, c'est le confort dans le travail. Voilà. Si vous avez un évier qui est trop haut, trop bas, si vous devez vous casser le dos quand vous allez dans le four et ainsi de suite, ça ne va pas vous inciter à avoir envie de cuisiner, hein, voilà. C'est clair. Donc ça tombe sous le sens, mais... C'est important de le dire. Bien sûr. Elle dit, j'ai tout assez près l'un de l'autre, donc pas trop de pas à faire, et donc un gain en énergie, ce qui me convient encore plus, car du coup je travaille moins les douleurs dues à la fibromyalgie et l'arthrose. Voilà ce que nous dit Clarisse. Jo, elle dit, ce qui m'embête dans ma cuisine, c'est que l'évier soit juste à côté de la cuisinière. Mais bon, je suis que locataire, donc pas de changement possible, dit-elle. Non, mais il y a des astuces. On peut par exemple coller un sticker sur le panneau qui est contigu entre la cuisinière et l'évier. Donc il y a certainement un panneau sur le côté, même si on doit déplacer la cuisinière pour avoir accès à ce panneau, et on peut y coller par exemple une symbolique de nature, puisque l'eau nourrit le bois qui alimente le feu, et il n'y a plus de conflit entre l'eau et le feu, tout simplement. Ce sont les éléments de la nature qui vous inspirent. Hein, toujours. Donc ce sont les lois de la nature. L'habitat-thérapie se base sur les lois de la nature, sur la logique de la nature. Voilà, Jo. Donc même si vous êtes locataire, faites-le. Ça n'ira que mieux. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Il est Je pense que je n'ai jamais conseillé à personne de déménager. Il y a toujours, toujours moyen de trouver une astuce. Et c'est pour ça que vous continuez à venir. Hein. Bah oui. Parce que si les personnes me disaient « Mais qu'est-ce que vous recevez là, la dame qui nous incite à déménager ?» Oui, on serait bien, nous. Hein. Je ferais le bonheur des déménageurs. Oui, toutes les agences sur le dos. Bon, dans quelques instants, témoignages. On essaie, bien sûr, parce que vous êtes déjà nombreux à nous envoyer des messages. Dites-nous tout sur votre cuisine. La cuisine et tout ce qui est à l'intérieur. C'est placé où? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez fait des transformations récemment? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon d'être dans la cuisine? 30, 63, 50 centimes par message. Allô Mimi, je suis dans les emboutes, là, les magasins seront fermés. On commandera ce soir sur Krefel.be. En pyjama. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Monsieur le directeur. Jean-Pierre, si c'est pour me dire que vous avez gagné à l'euro-million, je sais. Non, c'est pas ça. Mais c'est pour vous dire que j'ai oublié le dossier Morin à Copacabana. J'ai passé le week-end là-bas. Non, je suis désolé. Ils vont vous l'envoyer par coursier. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Euro-million, devenez scandaleusement riche. Écoutez ça. Pour le 25e anniversaire d'Intermarché, profitez d'une offre croustillante. À l'achat d'une baguette de 250 grammes cuite sur place, recevez-en une gratuite. Soit seulement 69 cents les deux baguettes. Intermarché depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Viviane, conseillère à la Maison de l'énergie. Nous aidons gratuitement les Bruxellois à diminuer leurs factures d'énergie à partir d'une visite à domicile qui permet de faire un petit peu l'état des lieux du logement. Et puis ensuite de préparer les travaux en faisant une analyse des devis, en choisissant avec eux la meilleure technique et en faisant éventuellement aussi un montage financier selon les besoins. Contactez la Maison de l'énergie au 02 563 40 00 ou sur maisonenergieheus.be avec le soutien de Bruxelles Environnement. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quel son! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Ne laissez pas le doute s'installer dans votre salle de bain. Bonjour, moi c'est le doute. Ah, dites, cette baignoire, on la changerait pas? Ou changeons plutôt la douche, à moins qu'on remplace tout. Oh, je doute. Avec Induscabel, le doute n'a plus sa place dans votre salle de bain. C'est charmant, merci. Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, plus de doute. Oui, bon, ça va. Induscabel, avec vous de A à Zen. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Annie Deteux, habitathérapeute, on met la cuisine du bon côté. On met tous les éléments qui sont dans la cuisine du bon côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la cuisine. Il y a beaucoup de choses à dire sur tout, Sylvie. Oui, mais enfin, la cuisine, c'est tout. C'est le siège de la santé dans la maison. Ah, c'est donc, le siège de la santé, la cuisine. C'est logique, puisque c'est là que nous préparons les aliments qui vont nous aider à nous régénérer. C'est le siège de la santé. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux choyer un peu les éléments de la cuisine. Il vaut beaucoup mieux porter son attention en termes de qualité de décoration, d'éclairage et ainsi de suite sur la cuisine que sur la salle à manger. Voilà. Si on peut manger dans la cuisine, avoir une cuisine très très bien dynamisée, la salle à manger, elle va servir exclusivement quand on a envie de recevoir beaucoup plus de monde. Mmh. À ce moment-là, c'est le monde qui va venir décorer la salle à manger. Mais la cuisine, on y est parfois seul ou à deux régulièrement. Moi, j'adore être dans la cuisine. Ah oui, quand je vais chez quelqu'un, en général, je reste dans la cuisine. C'est une pièce très intime, la cuisine. J'adore. Oui, j'adore, parce qu'on voit, on dit d'ailleurs faire sa popote intérieure. Ah oui, c'est un peu propre, ça. Comme vous figurez. Un peu plus confidentiel, confiné comme ça. Oui, oui. On entre dans l'intimité aussi de la personne quand on est dans sa cuisine. Mmh. Vous avez des personnes parfois qui vous donnent un aspect extérieur très, très soigné. Ainsi de suite, puis vous entrez la cuisine et quand vous voyez l'état du plan de travail ou de la plaque de cuisson, vous vous dites au secours, je ne vais pas manger ici, quoi. Donc c'est très très très intéressant de voir une cuisine, jamais jamais pour porter un jugement, mais pour aider la personne à mieux se comprendre et voir ce qu'elle peut faire avancer dans sa vie après avoir eu cette compréhension. Et c'est pour ça qu'on y consacre 2 heures. Voilà, exactement. Aujourd'hui. Nancy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Vous bonjour, souhaitez Nancy. Refaire l'agencement de votre cuisine? Oui. Mais voilà, il y a un gros dilemme avec monsieur. Voilà, parce que moi, je vais vous expliquer, on a une maison de 1800 et plus. La cuisine, elle fait en réalité un grand carré. Mais les anciens propriétaires ont construit la salle de bain en plein milieu du carré. Et alors, on a une ouverture du côté où on mange et du côté où on cuisine. Moi, je voudrais la mettre du côté où on cuisine et mon mari veut la garder où on mange. Alors, je voudrais savoir laquelle est la meilleure, parce que, je veux dire, la cuisine, chez nous, c'est vraiment là où on accueille vraiment tout le monde. Voilà, tout le monde vient et on est tout le monde, tout le temps dans la cuisine, mais du côté où on mange. Alors, si je vous entends bien, votre salle de bain, donc, elle n'a pas de lumière du jour, puisqu'elle est au milieu de la cuisine. Mais si, parce que c'est assez compliqué. Il y a un mètre, je veux dire, il y a comme un petit débarras entre la... Moi, j'ai envie de faire la deuxième entrée, je vais dire. Mm-hmm. Là, il y a une fenêtre juste à la douche. Je veux dire, vous voyez, ils ont mis une fenêtre devant la baignoire. Voilà. D'accord. Oui. Suivez-vous, Annie. J'ai du mal. Je vous vois prendre des croquis, mais vos croquis, ils n'avancent pas. Je n'y comprends rien. Vous suivez ? Je suis, mais est-ce qu'il y aurait suffisamment de place pour faire un petit sas entre, quel que soit le côté où vous voulez entrer dans la salle de bain et la cuisine, est-ce qu'on pourrait faire un tout petit sas ? Donc avoir une première. Mais oui. Oui. Alors à ce moment-là, là, justement. Oui, là justement, on voulait faire un sas. Il y a déjà un sas entre, je vais dire, la salle de bain. Il y a comme un petit couloir qui fait 1 mètre sur 1 mètre, oui. Je veux dire, vraiment, oui. Là où j'ai mon congélateur. Uh-huh. Et il y a une partie, il y a même une porte pour aller à la cour. Oui. Et alors, de l'autre côté, il y a une porte, après c'est la buanderie, de l'autre côté, du côté du L, pour continuer le L de la cuisine, il y a une buanderie, puis il y a une autre porte pour aller à la cour. Vous voyez, c'est assez complexe. Hein. Une question, juste une. Donc, oui. C'est quoi votre question ? Est-ce que l'ouverture doit se faire ? C'est ça ? C'est une question d'ouverture. Côté où vous mangez, voilà. Ou côté où vous cuisinez ? C'est ça ? C'est ça. Ah. Si vous avez un sas entre la partie par laquelle vous allez rentrer et sortir de la salle de bain, ce n'est pas très important. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir, devant les deux portes actuelles qui sont utilisables, avant de faire votre choix, c'est de voir laquelle de ces deux portes fait face côté cuisine à un mur plein, donc pas un mur où il y a une fenêtre, où il y a une porte. Dans ce cas, vous privilégiez cette porte-là et sur la face extérieure de la porte, donc la face de la porte côté cuisine, vous y placez un grand miroir. Et quand quelqu'un vous demandera où se trouve la salle de bain, où se trouvent les toilettes, parce qu'il y a peut-être les toilettes dans la salle de bain, on n'inscrit pas sur la porte où il s'est. Non, jamais. On met un miroir et on dit ok, c'est là où il y a le miroir, à condition que ce miroir soit face à un mur plein, pas face à une porte, ni à une fenêtre, ni à un autre miroir. Et là, à ce moment-là, peu importe si on choisit l'entrée côté coin à cuisiner ou côté coin à manger. Mais cette maison me paraît très compliquée. Oui, c'est compliqué. Et comme elle date du XVIIIe siècle, si on fait des travaux dans cette maison, moi, ce que je conseillerais, c'est d'y mettre beaucoup d'éclairage et le vent pour qu'on oublie la lourdeur du bâtiment. Parce qu'une maison du XVIIIe siècle a de très, très gros murs. Et bien souvent, ça vient mettre un certain ancrage, un certain immobilisme dans le bâtiment. Dans la cuisine, c'est embêtant parce qu'il faut que ça vibre. Mmh. Et si en plus dans l'adresse on a un 4, c'est encore plus ancré. Là, ah voilà, on revient avec les noms. Voilà. Donc là, on tout va est lié. Oui, tout est lié. On va essayer de travailler vraiment l'éclairage et le vent, l'éclairage qui va aller vers le plafond et dans ce cas-là, toujours des plafonds très très clairs. D'accord. Voilà. Bon, voilà pour Nancy. Avec un lourd exemple, mais vous l'avez compris, donc c'est vrai que vous, de toute façon, c'est votre métier quelque part, c'est votre mission, l'habitat-thérapie, donc je pense que vous visualisez bien les plans, moi beaucoup moins. Sylvie, c'est ma passion. C'est votre passion, voilà. votre passion. C'est vous, j'ai changé métier en mission. Oui, c'est déjà mission, bien. Mission, passion. Oui, oui. Voilà, votre mission, passion. On parlera dans quelques instants du pouvoir des mots, parce que c'est extrêmement important, vous venez de dire encore quelque chose d'important, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas WC sur la porte des WC ? Je le sais, moi. Ah, maintenant j'ai compris, je commence à comprendre. D'ailleurs, j'ai retiré le petit écriteau, je l'ai retiré, voilà, hop, plus personne. Comme ça, tout le monde demande, c'est où ? C'est génial, parce qu'avant on disait c'est écrit, c'est plus écrit, donc je dois vous montrer. Voilà, et on parlera, pourquoi on parle du pouvoir des mots ? Parce que je vois aussi quelqu'un qui nous dit qu'elle écrit des mots, elle a des mots écrits. Vous savez, c'est très tendance, d'avoir des mots écrits sur les murs de la cuisine. Attention, donc vous en parlerez dans quelques instants, c'est extrêmement important. Juste le temps d'écouter Whitney Houston. But no. It's not. of my own. But each time I try, I just break down and cry. 'Cause I'd rather tonight. C'est joli cette chanson, ce slow, c'est un slow. Hein. On ne dira on pas comment envie d'être ça s'appelle. Ici, hein. Tout le monde aura compris. Bon, joli slow, on revient donc à la cuisine. Vous êtes nombreux à nous envoyer, j'aime bien les messages qui nous arrivent. Marianne, elle dit, Sylvie, j'écoute avec attention votre émission. Je viens de commander une cuisine équipée après des années de vieux meubles dépareillés. Du coup, la déco va changer aussi. Murs rouges, parés... Après avoir eu du bleu, confort pour cuisiner, gain de place. J'espère avoir pensé à toutes les facilités. Tout ce qui est couleur, on mettra ça dans une séquence, hein, une petite séquence d'accord, consacrée aux couleurs. Okay. D'accord, je vois aussi Pascal, elle nous dit « Ma cuisine a une fenêtre sur chaque mur, sauf au nord. Je cuisine face à une fenêtre, c'est très agréable, table ronde au milieu. » On y reviendra aussi. J'aime bien aussi le message de Pascal. « Avez-vous des conseils particuliers sur l'aménagement d'une cuisine pour un gîte de 14 personnes pour favoriser bien sûr les locations ?» Projet pas encore terminé, on peut encore envisager beaucoup de possibilités. Donc, on essaiera aussi. Je note. On parlera du pouvoir des mots, peut-être dans quelques instants, avec Catherine qu'on va appeler, qui a donc écrit des mots, hein, ou en tout cas un mot. Il y a un gros mot, j'allais dire. Gros mot, ouais. Un mot en lettres capitales qui part son mur. Et donc, on partira un petit peu sur le pouvoir des mots. 070 23 33 23, SMS 30 63. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Peugeot Hucle et Peugeot Mésaire. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Peugeot. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Voir conditions en magasin. Vivacité présente. Dis maman, ce week-end, on va au Jardin des Wyrs? Tu veux dire des Vières? Ah bon, tu crois? Oh oui, ce week-end au Jardin des Vières, c'est la fête des plantes et du Jardin de l'âne. 200 professionnels belges et étrangers proposent leurs plus beaux produits et partagent leur passion de la nature. C'est 30 septembre, 1er et 2 octobre, fête des plantes et du Jardin à l'âne à deux pas de Bruxelles. La foire du verre de l'âne. Artisans, antiquaires, collectionneurs, découvrez le monde de l'art du verre, du bijou et du cristal, ainsi qu'une initiation au métier du verre. Plus de 70 exposants, des dizaines de milliers de pièces. Dénichez celles qui vous manquent. Les samedis 1er et dimanche 2 octobre au centre sportif de l'âne. Info foireduverre.eu. Avec Vivacité. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Come a casa. Et la suggestion de ce soir, la lasagne royale. Excellent, Marc. Chérie, ce soir, c'est Marco. Oh, si. Réservez un moment rien que pour vous avec Come a casa Delicious. Trois délicieux plats italiens pleins d'ingrédients frais à réchauffer au four. Découvrez aussi les raviolis di mare et les farfalets pancetta formaggio. Des nouveautés signées Come a casa. Apportez un peu de chaleur. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199€. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est froid ça ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, non ! Ah, bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Voomobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur voomobile.be. Il est temps de penser à Voomobile. Offre soumise à condition. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes, sessions sur piste, parades et bien plus encore. Inscriptions et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. La vie du bon côté sur Vivacité. La cuisine, votre cuisine, nos cuisines respectives et toutes les questions que vous posez par rapport à ça. Catherine, bonjour. Bienvenue Catherine. Bonjour, bonjour Catherine. Le pouvoir bonjour. Des mots. C'est bien d'avoir un exemple déjà avec votre mot gourmandise qui est écrit en grand sur un des murs de la cuisine. Un très grand. C'est votre choix ? Vous aviez envie ? Oui. Il n'était pas du tout de cette couleur-là quand je l'ai acheté. Mais en bois, c'est du bois, c'est des lettres en bois. Du bois, oui. C'était en bois et il était rose et je l'ai mis en brun chocolat. Sur un mur très clair. Oui. Alors, vous me posiez la question dans votre petit SMS de savoir si c'était une bonne idée. Donc moi, ma première question, est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui mangent avec vous dans la cuisine, qui sont accros au chocolat ? Au chocolat, non. Non, mais qui sont très gourmandes. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Alors, comme votre mot gourmandise, quand vous entrez dans la cuisine, si j'ai bien suivi votre message, il est sur le mur de droite, c'est oui, bien ça. Quand on entre à droite. La droite, oui. C'est le futur, donc c'est notre projection. On va vers la gourmandise. Donc, si vous vouliez au contraire qu'on arrive à maîtriser la gourmandise, l'idéal, ce serait de le mettre sur le mur de gauche. Et dans ce cas-là, on le peindrait en vert et pas en brun. Parce que le brun, je disais à Sylvie en rigolant, c'était la couleur des excréments hors antenne, mais c'est surtout la couleur du chocolat. Donc, ce serait beaucoup mieux de le mettre du côté gauche, puisque le côté gauche, c'est le passé, et c'est aussi la zone qui correspond à la santé. Et si vous le peignez en vert en le mettant du côté gauche, on va automatiquement être connecté dans l'envie d'être gourmand, mais quand c'est bon pour la santé, sans exagération. Et vous avez le choix aussi également avec le mur qui fait face à la porte quand vous rentrez. Ok. Et là, ce sera tout bon. Oui, la seule personne qui reste toujours à la même place dans la cuisine et face à ce mot, c'est la plus gourmande. Alors là, c'est bien parce que vous nous permettez, Sylvie et moi, de rebondir sur le pouvoir des mots, oui. Sur ce que veulent dire les mots, puisque lorsque nous allons partir en week-end en Baie de Somme, Sylvie, je vous en prie. 14, 15, 16 octobre, en effet. C'est tout chaud, pourquoi ? Parce qu'on a eu une petite réunion de préparation hier par rapport à ça, et vous allez donner en effet là-bas, parce que c'est un peu ça l'objectif aussi, une conférence sur le pouvoir des mots avec Salvatore Rindone. Oui. Voilà. Oui. Donc nous allons expliquer ce que les mots peuvent donner comme information subliminale à notre cerveau, puisque les mots ne sont pas automatiquement enregistrés au niveau de nos cellules avec le sens qu'on leur donne. On va simplement faire prendre conscience, en tout cas pour ma partie de la conférence, faire prendre conscience aux personnes qu'un mot peut vouloir en dire beaucoup d'autres, suivant la vibration du mot, suivant le son qu'on va entendre. Parce que nos cellules vont percevoir en premier le son qui ressemble le plus à l'état de faiblesse dans lequel on peut se trouver. C'est oui. Exactement comme ça aussi qu'il va présenter le sujet. C'est vrai que vous serez à deux. Et la baie de Somme, c'est complet au niveau du groupe, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Hein. Si donc les gens sont gentils, on peut voilà, si vraiment il y a des personnes, parce qu'on est quand même un joli petit groupe de presque 100 personnes, à partir les 14, 15, 16 octobre en baie de Somme, à Saint-Valery-sur-Somme. C'est vraiment un superbe endroit, l'hôtel Capornu. Voilà. C'est un superbe endroit, donc contactez-moi si vous souhaitez vraiment être des nôtres en disant oh, « je veux aller écouter Annie là-bas en baie de Somme » ou Salvatore, le pouvoir des mots. Il y aura aussi Philippe Bétourné qui sera présent et Caroline Bachot. Et on va faire vraiment vraiment des conférences interactives comme en émission. Mm-hmm. Voilà, on va vraiment faire comme en émission. À mon avis, il y aura le générique aussi. Ah oui. Et on fera ça comme en émission avec l'intervention des personnes présentes. Donc, vous me contactez, bien sûr, pendant l'émission, via Facebook ou via notre adresse e-mail, laviedubonkote@rtbf.be. Bon, des questions, il y en a pas mal. Hein. Des personnes aussi qui sont bien au courant de la zone. Vous voyez là, oui. Quelqu'un, c'est Cécile, qui nous envoie ce message en disant « Ma cuisine, Sylvie, est en zone carrière Exposition Sud. » Vous l'avez lu, m'avait dit « C'est intéressant ça. » Donc on va essayer de joindre Cécile pour en savoir plus sur sa question et surtout sur l'aménagement de sa cuisine. Parce qu'elle dit « Voilà, j'ai fait ça, j'ai changé. Hein, mais aujourd'hui, cuisiner est devenu plus difficile. » Et là, quand vous avez lu le message, vous avez dit « Ah bah bien sûr, je vais lui dire pourquoi moi Cécile ?» Donc Cécile, elle a la réponse. On vous appelle dans quelques instants. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Fazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Moi, j'aime me faire inviter. Ah ça, nous aussi, on adore ça. Un petit. Oh oui. Bah, surtout quand c'est pour déguster un savoureux lapin comme le nôtre. Oh oui, bien d'accord, monsieur Marc. Et avec un plat pareil, moi, je vous le dis, je ne poserai jamais de lapin. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre bon lapin entier découpé est à seulement 6,75€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10€ au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaïsa, partenaire naturel de Cap 48. Viviane, conseillère à la Maison de l'énergie. Il existe des primes pour vous aider à faire vos travaux énergétiques qui se cumulent même avec d'autres primes selon l'endroit où vous habitez ou la nature de vos travaux. Elles couvrent par exemple tous les travaux d'isolation, de toiture, de sol ou de mur, ou bien votre nouveau vitrage, ou encore un changement de chaudière à gaz, ou encore une nouvelle ventilation. Contactez la Maison de l'énergie au 02 563 40 00 ou sur maisonenergieheus.be avec le soutien de Bruxelles Environnement. What page an empty field of snow? My room is 20. chante? Ah, qui chante? Oh, bah, allez, ça ressemble à ce qu'on a déjà entendu dans les années 80. Allez, moi, franchement. Je n'étais pas née, moi, Sylvie, désolée. Non? Send a message. Send a message in the world. Sting? Ah, allez, franchement. Mais je ne connais pas, je suis trop jeune. Sting. Ça aurait pas été Sting, hein, j'aurais dit, mais il a copié Sting. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. C'est un nouveau Sting, j'aime bien. J'aime bien. Parce que fidèle à lui-même. Fidèle, j'aime bien les gens qui sont fidèles à leur style, vous voyez, jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. Oui. On lui souhaite encore une belle carrière. Hein. Sting, c'est une nouveauté dans la vie du bon côté. On parle des cuisines. Je vous lis le message de cette auditrice qui vient nous voir. En l'instant, elle dit « Haha !» avec 6 A et 7 H. « J'étais justement, Sylvie, en train de commander d'autres mots en bois sur Internet. Pop, hop, hop, hop, hop. J'ai tout annulé. » Oh. Elle a eu peur des mots qu'elle avait commandés. Vous allez faire des mécontents. Par contre, on a quelqu'un qui nous envoie ce message aussi en disant « Sylviani, il y a quelques temps, j'avais un gros problème pour avoir le prêt pour notre cuisine. J'ai suivi vos conseils. » Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, vous aviez dit quand il y a des projets dus à des aménagements qui n'aboutissent pas, qui sont bloqués, vous avez donné plein de conseils. Elle dit « J'ai suivi vos conseils. » Et là, on l'a eu, notre prêt pour la cuisine. Donc voilà, elle est très contente. Par contre, elle a quelques petits problèmes d'aménagement, donc c'est pour ça qu'elle revient. Nous contacte. Mais oui, mais elle l'a fait par SMS. Rose de René, on essaiera peut-être de vous joindre. Cécile, bienvenue. Bonjour, Cécile. Oui, bonjour. Bonjour, Cécile. Votre cuisine est en zone carrière exposition sud. Voilà. L'évier devant la fenêtre, vous avez un îlot central avec la cuisinière et des meubles de rangement et la table. Alors, l'avant, votre cuisine précédente était en aide extérieure. Bon, moi, je ne suis pas. Alors, je vais expliquer. La zone carrière, par rapport à l'entièreté d'un bâtiment, on va la déterminer par la porte d'entrée qu'on utilise toujours pour entrer dans le bâtiment. Et la zone carrière se situe dans le tiers central du mur par lequel on est entré dans la maison. Donc, vous imaginez votre maison dans un grand rectangle, vous divisez cette maison en 9 petits morceaux égaux, et la zone carrière, c'est celle qui est à l'avant, au milieu, le tiers central. Tandis que l'aide extérieure, c'est la zone qui est à l'avant, mais dans le coin droit, à l'avant de la maison. La cuisine de Cécile est en aide extérieure avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cécile était quelqu'un qui était dans une énergie où elle avait énormément envie de cuisiner pour les autres, de recevoir, de repartager les repas, même si on ne mettait pas les petits plats dans les grands, on était toujours prêt à recevoir les autres. Généralement, quand on switch d'une zone qui était aussi vibrante que celle-là pour aller vers la zone carrière, c'est parce qu'on est passé par un moment de transition dans sa vie où on n'a plus tellement envie d'autant cuisiner pour les autres. Et la cuisine arrivant en zone carrière, une cuisine en zone carrière nous donne toujours l'impression que c'est plus lourd de cuisiner. Et donc, dans ce cas-là, que va-t-il se passer? On va avoir moins envie d'inviter sur le pouce. Ça, c'est automatique. Ce qui est intéressant dans une cuisine qui est en zone carrière, c'est de la rendre extrêmement vibrante. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau des éclairages. Donc, privilégier des éclairages élevants plutôt que des éclairages objectivants qui viennent mettre beaucoup d'ombre. Quand vous avez un éclairage qui vient du plafond, si vous mettez la main, vous allez voir l'ombre très forte que ça fait. Tandis que quand vous avez un éclairage élevant qui va se répartir sur la clarté du plafond et redescendre en douceur, on n'avait quasiment pas d'ombre. Donc quand l'éclairage vient du plafond, c'est comme si on appuyait un peu sur la tête. Et donc comme déjà cette cuisine est dans la zone où travailler est lourd, plus l'éclairage qui vient du haut, ça amplifie cet effet-là. Et donc il faut essayer dans ce cas-là d'avoir une cuisine très claire avec des meubles qui donnent un aspect de légèreté plutôt que des gros blocs en bois massif et ainsi de suite. Parce que c'est ça votre problème, Cécile. Vous n'avez plus vraiment envie de cuisiner? C'est plus difficile en tout cas. Ouais, c'est très difficile et j'arrive plus à inviter, effectivement. Ah, oui. J'arrive plus à cuisiner. Et puis c'est conflictuel aussi entre mes goûts par rapport à ce que je cuisine et les goûts des enfants. Donc ça complique aussi les choses. Mais disons que mes meubles sont en bois, mais ils ne sont pas en couleur lin, donc assez clair. Et les murs sont vert très clair et un mur un peu vert plus foncé, enfin vert granit. Il faut peut-être ajouter, Cécile, maintenant je te dis vous parce que c'est la radio, mais je te reconnais, Cécile. Donc il faut peut-être ajouter dans votre cuisine quelques petites touches orangées pour venir remettre du mouvement dans la cuisine, pour venir remettre un petit peu plus de joie de vivre, parce que tout ce blanc et tout ce vert à cet endroit-là, c'est vraiment, je suis obligée à cet endroit-là de la maison, je suis obligée de cuisiner pour que ce soit bon pour la santé de tout le monde. monde, la notion de plaisir n'est pas suffisamment présente. Donc bien travailler l'éclairage et remettre des toutes petites touches d'orange dans la cuisine. Donc pas un mur orange, hein, mais par exemple des sets de table, une petite fleur, je ne sais pas moi si on a des petites plantes en pot, préférer un petit cache-pot orange, et vraiment pour remettre une petite touche de peps dans la cuisine. Ok, super. On fait ça. Je vais tester, merci. À bientôt. Peps, c'est bien. Au revoir, Cécile. Au revoir. Des questions de ce genre, les couleurs, on va y revenir, bien entendu. L'importance de l'évier, du frigo. On n'a pas encore parlé, tiens, du frigo. La taque de cuisson. Oui, bien sûr. La façon, là où vous cuisinez, bien entendu. Les ustensiles employés. Oui, les ustensiles exposés, c'est intéressant. Alors, on va essayer de cacher tout ce qui râpe, ce qui broie, tout ce qui pique. Ça, c'est coupe. Vrai que vous le dites souvent. Oui. Vous le dites souvent. Oui. Les louches, ça va, ça peut rester. Ça ne râpe pas, ça ne coupe pas. Un coup pas. De louche, c'est quand même. Ça, c'est louche, un coup de louche. Ça fait quand même pas du bien. Oui, mais enfin, théoriquement, ce n'est pas fait pour ça. Théoriquement. Je ne sais pas ce que vous faites avec vos louches, Sylvie. Non, mais c'est bien ce que vous dites. On va, dans quelques instants, voir un petit peu ce qui est à vue. Voilà, exactement. Et ce qui ne doit pas être à vue. C'est extrêmement important. Voilà. Venez poser des questions. Venez nous dire aussi ce qui a changé par rapport à une différence avant-après dans votre cuisine. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse, la transparence. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.EU. Oui, monsieur, SFR vous fait une offre mobile à 25€ par mois à vie. Mais non. Appelez-vous dans le futur et vérifiez. Allô ? Michel, c'est moi. Enfin, c'est toi, mais du passé. C'est quoi ces histoires ? Je paye pas mon forfait 25€ par mois pour qu'on me fasse des blagues débiles. Ok, je le prends. L'offre mobile de SFR, c'est du bonheur pour toute la vie. Appel et SMS illimité plus 6Go de data pour seulement 20€ par mois pendant 6 mois, puis 25€ par mois à vie. Plus d'infos au 02 226 55 55. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Main en l'air, tu bouges pas. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. Ne confondez plus vos séries policières et vos programmes musicaux. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus clair. Ciné-Télé-Revue. Dès demain, dans vos points de vente habituels. Vivacité La Une présente André Rieu en concert. Le roi de la valse revient avec son orchestre et 300 danseurs pour un formidable concert de nouvel an. André Rieu, le 8 janvier au Palais 12 à Bruxelles. Info et tickets, www.andrerieu.com. Bientôt l'automne. Chez Diffusion Menuiserie, les prix se mettent à tomber aussi vite que les feuilles. Des réductions à ne pas rater sur nos parquets, portes, dressings, lambris, escaliers, châssis et bien d'autres. Profitez de conditions spéciales jusqu'au 3 octobre chez un vrai spécialiste du bois pour votre maison. Diffusion Menuiserie à Cour Saint-Étienne et Gosselies. Électro dépôt. Ça y est, c'est ouvert à Anderlecht, proche Shopping Cora, métro Edimerx. Galerie Toison d'Or, j'adore. Allô Agnès ? Oh, c'est top, top, top ! Les magasins de la Galerie Toison d'Or ouvrent tous les premiers dimanches du mois. Donc, dimanche 2 octobre, ils seront ouverts de 12h à 18h. Trop bien pour découvrir les nouvelles collections. À dimanche alors. Galerie Toison d'Or, j'adore, j'adore. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains tout abîmées. Il taillait la pierre, fils d'ouvrier. Il en était fier, mais pourquoi vous riez? Non, ne le jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le la peur. Vous êtes faussement heureux. Je n'ose pas.

Les syndicats du secteur public manifesteront à Wavre le 7 octobre prochain. Wavre, ce n'est pas n'importe quelle ville, vous le savez, c'est le fief du Premier ministre Charles Michel. Les syndicats sont inquiets par rapport à de nouvelles mesures budgétaires. Alors, il était question d'une grève générale le 7 octobre prochain. Ce sera finalement des actions ciblées. Une manifestation nationale, par contre, aura bien lieu demain. Mais qui donc a abattu le fameux vol MH17 au-dessus de l'Ukraine ? Eh bien, les procureurs internationaux ont remis leur rapport concernant le missile qui a détruit le Boeing de la Malaysia Airlines. Et conclusion, ce missile a été tiré depuis un village à l'est de l'Ukraine, un secteur contrôlé par les séparatistes pro-russes. Mais est-ce que la Russie est impliquée ? Ça, les procureurs internationaux ne s'avancent pas. Rappelons que le Boeing a été détruit en vol en 2014, en plein conflit entre forces gouvernementales et séparatistes. Il y avait 298 personnes à bord, majoritairement des Néerlandais. Le gratin mondial attendu vendredi en Israël. De nombreux grands dirigeants devraient assister aux funérailles de Shimon Peres à Jérusalem. L'ancien président et prix Nobel de la paix est décédé cette nuit. Il avait 93 ans. Shimon Peres était le dernier survivant de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël. Il a reçu son prix Nobel de la paix en 94 pour les accords d'Oslo, accords qui jetaient les bases d'une autonomie palestinienne. Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, rend d'ailleurs hommage à Shimon Peres aujourd'hui. C'était un partenaire, dit-il, courageux pour la paix. En football, Bayern Munich, Atlético Madrid, c'est l'affiche de la soirée de la Ligue des Champions ce soir. Il y aura aussi Barcelone, Mönchengladbach et Manchester City, Celtic, Glasgow. La météo, l'été joue les prolongations, le soleil s'impose un petit peu partout cet après-midi, de la douceur malgré un vent plus sensible de secteur sud-ouest. Les températures seront comprises entre 18 et 23 degrés, donc au-dessus des normales de saison. RTBF Mobile Info à Michel Vlauberg. Eh bien, bonne nouvelle, hein, c'est plus calme aujourd'hui, plus calme qu'hier en tout cas sur les routes. Et oui, effectivement, et une bonne nouvelle puisque la chaussée est dégagée aussi sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure hauteur de Zaventem. Plus de soucis à cet endroit. Cela dit, vous perdez encore 5 petites minutes en direction de Grand Bigard. Partout ailleurs sur le ring, votre temps de parcours ne dépasse pas les 10 minutes de temps supplémentaire. Des ralentissements sinon à Bruxelles dans le tunnel Reyers-Centre vers le centre-ville. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 14h03, on reprend tout de suite la vie du bon côté. Sylvie Honoré, on va parler cuisine cet après-midi. Absolument, la cuisine, donc pas la cuisine, ce qu'on mange. Hein, c'est mais la vraiment, pièce. La pièce, la pièce, l'aménagement de la pièce. Merci pour ce flash, l'info revient à 15h. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, porte et châssis avec une promesse, la transparence. Le Luberon à vélo, voyage qui s'achève tout doucement. Vous étiez à Avignon hier, Adrien. Bonjour tout d'abord. Bonjour Sylvie, à Avignon hier, à Avignon aujourd'hui encore, jusqu'à 17h50. Heure à laquelle vous reprendrez le TGV. Notre... Oui, tout à fait, qui va nous remonter vers la Belgique. On va mettre un peu d'image à la radio, Julie Anciot, qui est une de nos échappées belges. Où sommes-nous Julie ? Avignon, donc sur la place de l'horloge. On a donné rendez-vous aux échappés belges ce matin. Ils se sont promenés un peu partout dans la ville. C'est difficile, j'imagine, après 6 jours, de se séparer de sa bicyclette. Oui, très difficile, mais bon, on en a profité pour marcher un petit peu, donc pour se dégourdir les jambes et visiter un peu la ville avant le grand départ de ce soir. Qu'avez-vous fait de beau, le palais ? Voilà, je l'ai visité, mais vite fait, bien fait. Je vais dire, je me suis baladée dedans, je me suis baladée dans la ville, dans les petites ruelles, et j'ai passé du temps un petit peu seul. Et mais maintenant, voilà, on va passer le reste de la journée tous ensemble, je pense. Tous ensemble. Ensemble, ça tombe bien, Sylvie. C'est le titre d'une chanson de Pierre Rapsat qui n'ont pas arrêté de fredonner et d'adapter tout au long du séjour. Et pour ne rien vous cacher, hier, il y avait une petite fête. Hein, c'était la fête de la communauté française. On était au Théâtre des Dons, ici à Avignon. Et à la fin de la représentation théâtrale, officielle, il y avait des autorités, etc., les échappés belges sont montés sur scène. J'ai eu un peu peur. Je me suis dit, au secours, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation au directeur du théâtre, et oui, ils l'avaient fait, et ils ont entonné, Stéphane, un titre un peu particulier. Oui, on s'est permis donc de réadapter la chanson de Pierrot à la sauce échappée. Et voilà, on va peut-être vous en faire un petit bout. Un petit bout maintenant et l'intégrale, ce sera samedi. On vous écoute, les petits chanteurs, comme ils se sont eux-mêmes autoproclamés, à la gueule de bois. Hein. Oui. Les petits chanteurs à la gueule de bois, allez-y. Ensemble, en France, en traversant le Luberon, et partager tant d'émotions, tout simplement ensemble. Ensemble, en France, découvrir cette belle région, née au vent, main sur le guidon, tout simplement ensemble. Tout simplement bravo, bravo. À fond le Luberon, ils sont bien, c'est échappé belge. Et je crois que vous avez envie de communiquer votre enthousiasme au suivant. Oui, alors là, bon, écoutez, c'est une nouvelle formule. C'était la première édition de l'échappé belge et ça me tient à cœur de convier tous les auditeurs à s'inscrire au casting qui aura lieu le 29 avril pour l'échappée suivante, parce que il faut vivre ça une fois de l'intérieur. Moi, ça fait 9 ans que je fais le Beauvais-Lot de Ravel et je tiens à dire que c'est la première fois que je vis ça et c'est inoubliable. Voilà. Nouvelle formule, hein, d'habitude, Sylvie, les castings ont lieu le 1er mai. Ici, ben, c'est une nouvelle aventure, l'échappée belge. On change un peu la formule et on propose un casting le samedi. On se dit que ce sera plus facile pour nos auditeurs de se libérer, peut-être. Notez déjà dans vos agendas le 29 avril 2017 pour une échappée belge dans une destination surprise. Je vous appelle tout à l'heure pour savoir. Oui, ça restera proche, hein, parce qu'on a envie de favoriser la proximité, ouais, des voyages en train plus vélo. Et je crois que c'est ça qui vous a plu. Vous avez eu ce que vous vouliez, en fait, du vélo, de la rencontre, de la proximité. Ben oui, c'était exactement ça. Donc on était là, nous, pour pédaler, hein, tout simplement. Et puis on s'est super bien marré, mais je pense qu'on doutait pas, parce que moi, je me souviens d'une table à la conférence de presse du 1er juin où nous étions, enfin beaucoup d'entre nous étaient déjà là. Ça faisait quand même déjà fort ambiance colonie de vacances et on l'a conservé. Ils ne se connaissaient pas, Sylvie, au printemps dernier, et aujourd'hui ce sont les meilleurs amis du monde, les échappés belges. Je sais que ça vous brûle, que vous avez envie de faire un dernier cri pour nos auditeurs. Envoyez plein de soleil de Provence. À fond, le Luberon. À fond, le Luberon. Ah, ils sont chauds boulettes, Sylvie. Et pourtant, ils ont fait la fête jusqu'aux petites heures. Mais vous le voyez, ils sont en pleine forme. C'est comment ça les échappés belges qui vont remonter vers le royaume de Belgique ce soir à 17h50. Arrivée, je dis ça pour le fan club, sur le quai de la gare du Midi, à quelle heure? 23h. Si je peux me permettre, Adrien, on a un petit cadeau pour toi, pour te remercier, pour remercier Vivacité, parce que pour nous, c'était vraiment une expérience formidable. On est vraiment très émus de quitter la France aujourd'hui, de te quitter. C'était vraiment génial. On tient tous à te remercier. Voilà, c'est des petites sucreries, des petits calissons, des bonbons, des caramels. Il y a un livre sur la France, enfin sur la France à vélo. Voilà, ça nous tenait à cœur de t'offrir un petit cadeau pour te remercier et pour remercier Vivacité. Ah ben super. Sylvie, je remonte avec ça et on partage ça avec l'équipe lors de la prochaine réunion. D'accord? Oui, parfait. Des olives de Provence. Réunion de débriefing. Oui. Et je tiens ça précieusement. Je le mets au frigo. Ça ira dans le wagon restaurant du TGV et on déguste ça lors de la prochaine réunion tout bientôt. Super. Avec la Dream Team du Ravel. Merci beaucoup, bon Adrien. Bon après-midi. Voilà, à bientôt, merci, les amis. Merci, bye-bye. À bientôt. Salut tout le monde. Moi, j'aime bien, moi qui adore voyager. Je comprends parfaitement ce qu'il dit, vivre ça de l'intérieur. C'est pour ça, en fait, aussi qu'on organise nos week-ends en baie de Somme ou notre croisière aussi au mois d'avril dans la vallée du Douro. C'est vraiment pour vivre cette ambiance-là. Parce que c'est vrai que qui ne vit pas cette ambiance-là de l'intérieur ne peut pas comprendre. En effet, ne peut pas comprendre. Il y a une énergie, une vraie énergie, une vraie vibration qui se met en place. Et c'est pour ça, encore une fois, que je veux venir à la rencontre de mes auditeurs aussi, de nos auditeurs dans la vie du bon côté. Bon, alors nous, on a des cadeaux à vous offrir. dire, parce que c'est vrai que l'été n'est pas fini sur Vivacité. D'ailleurs, on vous a fait vivre toute cette semaine en Luberon. Et bien, toute la semaine que voici maintenant, nous vous offrons des vols aussi pour deux au départ de Brussels-Sos Charleroi Airport vers la Corse. Parce que vous savez que c'est une nouvelle destination là-bas. Donc voilà, vous gagnez dès à présent vos vols vers Bastia ou Ajaccio pour profiter encore un peu du soleil et des vacances avec Air Corsica. Donc vous nous envoyez maintenant un SMS, attention, au 60-03, 75 centimes par message. 60-03, vous indiquez le mot Corse, il y aura un tirage au sort. Avant 15h, j'aurai le plaisir d'annoncer donc le nom du gagnant en fin d'émission. Ce sont deux vols qu'on vous offre aller-retour, bien sûr, on ne vous laisse pas là-bas. Ah, c'est dommage. Par Air Corsica, voilà, gros cadeau aussi dans cette émission. Et si vous n'avez pas la chance de gagner maintenant avant 15h, tout à l'heure, dans le 5 à 7, il y en aura encore d'autres vols à vous offrir. Voilà. Et demain dans le 8-9 aussi et dans le 5 à 7 de vendredi. Voilà. Voilà pour les autres rendez-vous à suivre. Bon, si vous souhaitez parler de votre cuisine, c'est quand même aujourd'hui aussi que ça se passe. Avant 15h30, 63 pour vos messages. On parlera à nouveau de couleurs, de mobilier, d'endroits où bien placer les choses et surtout d'objets à ne pas mettre à vue. Voilà. Il y a aussi, j'ai vu une question passer sur les fameuses poules. C'est vrai que c'est la mode, oui, hein, la tendance, les poules. Ah Sylvie, qu'est-ce qu'on doit penser, toutes ces poules qui sont alignées un peu partout dans la cuisine? Vous avez votre réponse, hein, je suppose. Oui. Elle a sa réponse, donc vous restez bien entendu à l'écoute puisqu'on vous en parle dans un instant. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avenor sur Vivacité. Le centre énergétique de notre maison, Sylvie, se trouve dans le frigo de notre cuisine. Annie m'a génialement proposé de placer une série de LED blanc chaud dirigée vers le haut sur l'armoire contiguë qui se trouve dans le hall. C'est tout nouveau. Et pourtant, nous percevons déjà la différence. Oui. Ah, donc c'est quelque chose qu'elle a aménagé alors. Oui. Donc le centre énergétique d'une maison se trouve comment? Sur base des plans d'architecte ou des plans qu'on refait soi-même à l'échelle, en venant voir où se trouve l'intersection des deux diagonales du niveau de vie principal, en général c'est le rez-de-chaussée. Au niveau de l'intersection des diagonales, théoriquement ça devrait être dégagé. Donc il faudrait que ce soit un passage, qu'on puisse vraiment circuler. Ici ça n'était pas c'est le cas. Son frigo se trouve là. Ah, oui, donc okay. Ça bloque le centre énergétique et quand le centre énergétique est bloqué, beaucoup de choses dans nos vies restent bloquées. Mais ça veut dire aussi qu'on n'était pas encore prêt pour que ça se débloque. Mmh. À partir du moment où on se dit, tiens, tout compte fait, j'ai le conseil pour mettre les éclairages, mais je vais encore attendre un peu, donc on n'est toujours pas prêt pour que ça se débloque. Et puis on met l'éclairage dans ce cas-ci, parce qu'il y a d'autres corrections à pouvoir faire, et hop, ça, la vie change, mais la vie ne change pas parce qu'on a mis l'éclairage. La vie change parce qu'on était prêt au changement, et on a eu envie de mettre l'éclairage. C'est beau ce que vous dites. Oh, merci. C'est beau ce que vous dites. Au plaisir de vous retrouver en Baie-de-Somme, elle nous dit, cette auditrice. Magnifique. Ah ah, mm-hmm. Bon ben voilà. Vous voyez ? Oui, quand oui. On dit on vit ça de l'intérieur, mm-hmm. Quelque part on touche un peu plus encore le public. Bon, dans quelques instants, les poules, ça je vous lirai le message. On aura aussi d'autres questions parce qu'il y en a quand même beaucoup. 070 23 33 23, SMS 30 63. On ira aussi, vous aimez les bulles, hein, vous. Waouh, j'adore les bulles. Je vais vous faire découvrir un champagne, mais on ne peut pas dire champagne. Une méthode champenoise ennuyère que vous aurez peut-être l'occasion de goûter vendredi à Mons. Lors de cette grande journée d'atelier coaching toute la journée. Bien entendu, on attend encore des auditeurs qui peuvent s'inscrire en dernière minute. Voilà, jusqu'à la dernière seconde, il y a moyen de s'inscrire. 3063 par SMS si vous souhaitez poser une question par rapport à votre cuisine. Vivacité et la 2 présente le Belfius Brussels Marathon et Semi-Marathon. Lancez-vous dans un marathon, un semi-marathon ou un parcours de 5 km à travers notre capitale. Le Marathon et Semi-Marathon de Bruxelles, le dimanche 2 octobre. Départ au cinquantenaire, arrivée devant la bourse. Infos et inscriptions, brusselsmarathon.be. Viva Bruxelles présente Nuit Blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir. Ces derniers temps, notre chat partait souvent loin de la maison, parfois pendant plusieurs jours, comme s'il avait trouvé mieux ailleurs. Chez AVV, ils nous ont conseillé d'essayer un aliment de qualité. Bingo ! Maintenant, il miaule tous les jours devant notre porte. Je peux rentrer ? AVV fait grandir depuis 1901. Maintenant, 20% de réduction sur les aliments de qualité pour chiens et chats. Conditions en magasin. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Moi, sur mon pot de Nutella, j'écrirai « Je t'adore ». Des canons ou quelle biche. Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Vivacité présente Acerta Brussels Equidène, le plus grand marathon relais du monde. Samedi 15 octobre au Stade Roi Baudouin. Formez une équipe avec vos collègues ou amis et courez ensemble la distance mythique du marathon. Ou venez encourager les plus de 1600 équipes. Infos et inscriptions sur acertabrusselsequidène.be. Une initiative d'Acerta avec l'ADH et l'A2. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt, youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol, plus d'infos, lasemainenumérique.be. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Annie de Teul est habitathérapeute. Je viens de mettre votre site internet, Annie, sur la page Facebook de l'émission. Bon, la question par rapport aux poules, et comme ça, ça vous donnera l'occasion de redire un petit peu la déco de la cuisine. Hein, tout mm-hmm. ce qu'on peut exposer, tout ce qu'il vaut mieux voir dans les tiroirs, donc ne pas voir à l'œil nu. Que pensez, Sylvie, des poules qui apparaissent dans la majorité des cuisines? Perso, je sature de ces poules systématiquement présentes dans chaque cuisine. D'où vient cette idée collective? Alors, une collection, quelle qu'elle soit, vient toujours montrer que la personne est en manque de quelque chose. Et donc, elle vient compenser quelque chose. Pas spécialement en manque, mais elle vient compenser. Et donc, les poules, c'est la peur de manquer. Et parce que quand on a une poule, on a des œufs. Quand on a des œufs, on a des poules. Quand on a des poules, on a des œufs. Donc, les personnes qui mettent plein de poules dans leur cuisine, ce sont des personnes qui ont eu, dans l'histoire de leur famille, des périodes où on a peut-être manqué de nourriture, ou d'amour, ou de compagnie. Mais en tout cas, on est dans la peur du manque. Et donc, on compense ça en mettant des poules partout. Mais il faut surtout se rendre compte, quand vous dites que peut-on mettre ou que ne peut-on pas mettre dans la cuisine. Ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire ce que j'ai dans ma cuisine, qu'est-ce que ça raconte de moi? C'est ça qui est intéressant. Si par exemple dans votre cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez tout ce qui râpe, tout ce qui broie, tout ce qui coupe, tout ce qui pique, qui est exposé, donc vraiment en excès, ça veut dire qu'on est dans une énergie de colère, et de colère parfois rentrée, et on l'exprime dans la décoration. Alors simplement se dire je vais enlever tout ça parce que j'ai entendu à la radio que c'était pas bon, ça n'a pas de sens. Parce que la colère est toujours là. Elle est toujours là. Ce qui est important, c'est de se dire où est cette colère en moi, qu'est-ce que j'en fais, si j'allais faire des arts martiaux, si j'allais crier dans les bois, pour que cette colère puisse sortir. Et une fois qu'elle sera sortie, on n'aura plus envie de laisser les couteaux, on les rangera. Même si ce sont de beaux couteaux, très décoratifs, qui viennent d'une collection, ou pire, qui viennent de parents ou de grands-parents, ça veut dire que c'est une colère qui remonte à très longtemps. Donc, on va essayer d'éviter d'exposer tout ce qui roule, tout ce qui coupe, tout ce qui broie, tout ce qui pique, et donc tous les objets contondants, ainsi de suite, on va les ranger. On va essayer de dynamiser sa cuisine, toujours dans l'objectif de la nourriture. Pour les personnes, par exemple, qui s'intéressent au feng shui, bien, si elles veulent décorer les différentes zones de leur cuisine, ok, pourquoi pas, mais toujours sur la connotation nourriture. C'est-à-dire, en zone famille, on va mettre toutes les espèces de vaches, par exemple, parce que c'est une grande famille à ce moment-là. On va vraiment essayer de penser toujours vibration nourriture, des choses vertes, avoir une belle corbeille de fruits toujours remplie. Donc, plus moins vous avez de fruits, plus le panier à fruits va être petit. Il faut toujours que cette corbeille donne l'impression qu'elle est prête à déborder. Ça veut dire qu'on s'autorise à vivre dans l'abondance. Ah ah, en parlant d'abondance, il y a pas mal de personnes qui nous font des messages en disant « Moi, Sylvie, dans ma cuisine, c'est un peu le foutoir. Quoi. J'ai beau ranger, j'ai l'impression que tout est toujours en désordre. » Je parle pour vous, Karen. Hein. C'est oui, un peu le message que vous m'avez envoyé. C'est vrai ? Vous avez beau ranger. Alors, elle dit, Karen, avec beaucoup d'humour, « Je pense que des trolls de maison mettent le bazar durant mon sommeil, Sylvie. Le matin, je me réveille, c'est pire que la veille. » C'est ça, Karen ? C'est ça. Pourtant, j'ai suffisamment d'espace de rangement. J'essaye de faire du rangement régulièrement, mais surtout dans la cuisine. Parfois, je regarde ma cuisine et je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent chez moi, je suis pas au courant. Bon, bonjour, Karine. Alors, déjà, se dire que dans une cuisine, on a très souvent tendance à venir y mettre une horloge. Alors, quand j'ai une horloge dans la cuisine, ça veut dire que je suis connectée au temps tout le temps. Alors, soit qu'il passe trop vite, soit que je n'en ai pas assez, soit que je n'en ai pas la maîtrise. Une horloge dans la cuisine, on n'en a pas toujours besoin, d'autant que nous avons souvent l'heure sur les électroménagers. C'est déjà une chose à baquer de la cuisine. Ça, c'est déjà intéressant. Deuxième chose, on en parlait tout à l'heure hors antenne, beaucoup de personnes dans la cuisine viennent afficher sur le frigo les factures à payer. Ah oui, les post-it. Ah oui. Et donc, ça amène déjà au départ du frigo une notion de « il faut absolument que j'y arrive, c'est dur ». Donc, ranger, c'est dur d'y arriver. Il faut en plus toujours, quand je vais dans le frigo, que je pose les yeux sur tout ce qui connecte aux choses désagréables à faire. Et donc, du coup, quand on mange, ça n'est pas agréable. On digère avec beaucoup trop d'acidité. Et quand on fait beaucoup d'acidité, après le repas, qu'a-t-on envie de faire ? On a envie de s'asseoir et on ne fait pas de rangement. Une cuisine aussi qui va être défavorable à l'envie d'y mettre de l'ordre et de s'en occuper, c'est une cuisine où il y a beaucoup trop de rouge. J'ai parlé tout à l'heure avec Cécile de quelques touches d'oranger parce que sa cuisine est à l'avant de la maison, en façade, au centre de la façade. Autrement, le rouge et l'oranger dans une cuisine, ce sont des couleurs qu'il faut éviter de placer au mur. C'est beaucoup trop fort. Ça peut amener de nouveau de l'acidité. Si ça amène de l'acidité, de nouveau, on a un petit coup de somnolence quand on a fini de manger et on ne range pas. Il faut essayer d'avoir un calendrier, non pas mis n'importe où dans la cuisine, mais quand je passe la porte de la cuisine, dans le coin à gauche, tout près de la porte. Là, on a une bonne notion du temps, une bonne connaissance du temps. Donc, tout ce qui peut être rangé, on va essayer de le ranger. Et évidemment, le plus dur au départ, c'est de se dire, cette cuisine, je la range. Sur surtout pas. On va se dire, les 25 cm qui sont là à ma gauche, aujourd'hui je range tout. Demain, les 25 suivants, je les range. Ce qui veut dire qu'à chaque petite parcelle de 25 cm carrés qu'on aura rangée, on aura gagné. Tandis que si on se met en tête qu'on doit ranger toute la cuisine, on ne se sentira gagnant que quand on aura terminé. Donc on ne terminera jamais. Donc fixons-nous des objectifs dans ce cas-là, faciles, mais on s'y tient. On fait ces 25 cm carrés tous les jours. Par jour. 25 voilà. cm par jour, Karen. Voilà, par exemple. Par exemple. Vous savez comment on célèbre les 25 cm ? Non, dites-moi, avec du champagne. Mais bien sûr. Vous savez quoi, le champagne ? On en parle dans un instant. Vous voyez, décidément, quelle belle transition, allez, Karen. Bonne chance pour chasser tous ces trolls, en effet, de votre sommeil qui mettent le foutoir dans votre cuisine. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver avec tous les conseils qu'on vient de vous donner. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Moment c'est dur, je confesse. Enfin, je vais m'en sortir, je l'atteste. Un jour avoir un toit, une adresse. Un petit de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne branche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Bon, veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte. Un homme debout. Nous parlons de la cuisine, l'aménagement de la cuisine. J'aimerais bien que dans quelques instants qu'on parle du four, de la cuisinière, hein, tout ça. On n'en a pas encore parlé, on a dit qu'on allait vraiment essayer de parler. On a parlé des couleurs, de la décoration, les objets à vue, le frigo, vous en avez quand même parlé aussi, l'évier, on en a parlé un petit peu. Donc on essaie de joindre Bérénice qui nous a envoyé un message parce que nous allons en effet parler du four, la cuisinière, enfin voilà, tout ce qui permet de cuisiner proprement dit. Alors dans une cuisine, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'on peut laisser des bouteilles de champagne à vue. C'est bien ça ? Le champagne va être trop chaud pour le boire. Oui, c'est pas intéressant. Oui, mais bon. Et bouteille vide, c'est pas bien ça. Hein. Sans rien contenu, c'est vide. Pas bien. Jamais. Jamais. Non, jamais de bouteille sans contenu. Non, jamais. Jamais. Jamais exposer de contenant sans contenu, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose dans la vie. Ah. C'est vrai, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bon, voilà, nous retiendrons la leçon. Ce vendredi, à Mons, nous serons le 30 septembre. Le 30 septembre, la date de la première journée que nous organisons dans la vie du bon côté, puisqu'on vous associe évidemment à l'événement. Vous pourrez voir l'émission en direct. C'est quand même sympa de vivre l'émission en direct. Oui. Non seulement ça, vous pourrez participer à un atelier de 2 heures. Atelier de 2 heures sur la confiance en soi, sur la différence, sur le côté unique que l'on veut revendiquer. 4 intervenants, donc réguliers, seront là pour vous. Pour vous accueillir durant 2 heures ce vendredi. Et donc, avant cela, le petit déjeuner est pris en considération. Le midi aussi, petit catering avec fromage et charcuterie. Et le soir, en général, qu'est-ce qu'on fait le soir ? On boit du champagne. On organise un petit verre de clôture. Bonjour Cyril Genot. Bonjour Sylvie. Bienvenue en cette émission, Cyril. Vous représentez le domaine du Chandéol à Quévy-le-Grand, qui a vu le jour il y a quelques années maintenant au terme d'une association qui lie désormais la passion d'un viticulteur champenois à celle d'une grande famille d'exploitants agricoles en région montoise. Nous sommes au pied des éoliennes, hein, Cyril. C'est pour ça que le domaine a ce nom-là. Alors évidemment, les personnes qui connaissent, connaissent. Mais les personnes qui ne connaissent pas disent, mais c'est pas possible quand même qu'on a des vignes comme ça à quelques kilomètres de la ville de Mons. Eh bien si, Cyril. Eh bien sûr, nous l'avons fait. Voilà, vous l'avez fait. Défi réussi. Hein. Et c'est vrai que vous êtes de plus en plus bien coté, parce que on ne peut pas dire champagne, hein. On dit méthode champenoise. Non. Interdit. Même méthode champenoise, c'est interdit. C'est méthode traditionnelle. Ah, méthode traditionnelle. Voilà. Méthode traditionnelle. Comment est-ce qu'on présente donc le Chandéol, cette méthode traditionnelle, par rapport à ce qu'on connaît, Cyril ? Quelle est un petit peu la particularité ? Les nouvelles bulles belges, on va dire ceci. Les nouvelles bulles belges. Il n'y a pas encore de dénomination précise. Bon, c'est vin mousseux de qualité. Certains disent crémant, mais bon, ça reste une méthode. Pour nous, c'est méthode traditionnelle. C'est l'appellation qui sonne le mieux à nos oreilles. Donc, ça veut dire, s'il y a des vignes là-bas, ça veut dire vendange, ça veut dire tout ça. On en est où dans la période actuelle aujourd'hui ? Eh bien, nous attendons les vendanges avec impatience qui devraient se dérouler la semaine prochaine. D'accord. Donc, en fonction de ça, est-ce qu'on sait déjà dire si c'est une bonne saison ? Au niveau de la qualité, on peut dire qu'on s'en sort bien, mais au niveau de la quantité, non, c'est vraiment pas une bonne saison. Aha. Au niveau des bouteilles que nous allons donc déboucher ce vendredi ici à Mons, c'est quelle année en fait ? Nous allons boire quelle année ? Alors vous allez voir la cuvée 2014, qui était par contre une très très bonne cuvée. Aha, la 2014. Voilà, le domaine Chandéol, donc c'est vrai que nous sommes à Quévy-le-Grand, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître, c'est un produit de qualité. Mmh. Voilà. Le domaine du Chandéol qui a fait son entrée sur le marché des vins mousseux de qualité en octobre 2015, et il y a régulièrement des concours qui sont organisés, des concours remportés, mon cher Cyril. Bien sûr, oui, j'ai le plaisir de vous annoncer que la semaine dernière, nous avons les résultats donc des meilleurs vins belges par les sommeliers flamands. Et donc, nous avons eu la médaille d'or pour le blanc de blanc et la médaille d'or également pour le rosé. Magnifique. Grande première, nous en sommes très fiers. Ah ben, on est très contents, évidemment. C'est un produit ennuyé, donc le domaine du Chandéol, qui en plus vous recevra encore ce dimanche 2 octobre lors de la journée découverte entreprise. Alors, pour goûter ce Chandéol et pour surtout venir nous rejoindre, eh bien, vous nous envoyez un email, laviedubonconcote@rtbf.be. Nous vous demandons un prix de participation de 48 euros. Pourquoi ? Parce que ça va directement à l'opération CAP 48. C'est grâce au producteur de la PACW que nous pouvons mettre sur pied cette journée à Mons et la soirée aussi du 6 octobre à Liège. Beaucoup de personnes, Annie, on en a même parlé hors antenne, disent « Oui, mais Sylvie, c'est vendredi ou c'est jeudi prochain, on ne peut pas prendre congé. » Si vous souhaitez venir, mais ne pas rester avec nous toute la journée, vous donnerez à la limite ce que vous donnerez. On a envie aussi de scinder un peu la journée. Si vous ne souhaitez assister qu'à la conférence à Médiacité le 6 octobre, c'est possible. Voilà, donc venez vraiment nous rejoindre. Vous m'envoyez un petit SMS par émission au 3063. On vous recontacte, on vous donne tous les renseignements, ou l'email, ou via la page Facebook. Voilà, grande journée, donc ce 30 septembre à Mons et le 6 octobre à Liège. Bon, je n'ai rien à vous faire déguster, mon cher. C'est bien dommage, va falloir revenir. Bon, pour ce qui est cuisine, on parle dans quelques instants donc du four, de la taque de cuisson. Voilà ce que vous utilisez pour cuire vos aliments. Je pense que c'est important aussi d'y consacrer quelques minutes. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non ? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non ? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends ? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois.

Bonne journée. Oui, c'est ça, bonne journée Jean-Pierre. Ce vendredi, jackpot exceptionnel de 130 millions d'euros. Jouez dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Euromillions, devenez scandaleusement riche. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter des post-it Cap 48 ? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. Avec le soutien des Lions, Trends Tendance et l'avenir.net. Vivacité La Une présente André Rieu en concert. Le roi de la valse revient avec son orchestre et 300 danseurs pour un formidable concert de nouvel an. André Rieu, le 8 janvier au Palais 12 à Bruxelles. Info et tickets, www.andrerieu.com. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Annie Deteux, habitat thérapeute. Son site internet est sur la page Facebook si vous souhaitez la contacter pour la cuisine ou pour toute autre chose. Bien entendu, vous vous déplacez, Annie, et en général, vous fournissez de très très bons conseils au vu et à la lecture de tous les messages qu'on nous envoie par retour. Vous voyez, en disant « Ah, c'est chouette, c'est Annie, elle a presque changé ma vie. » Alors, je n'ai pas changé la vie des personnes qui me contactent. C'est parce que les personnes qui me contactent sont dans une énergie où elles ont envie de changer. Je leur donne les clés, elles les utilisent. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Ça vient d'elles, d'abord. Vous êtes modeste. Non, je ne suis pas modeste, je suis réaliste. Vous faites bien le dire, ouais. Comme ça, la personne nous dit « Ah oui, c'est vrai, oui. C'est moi qui ai mis en place ça. » C'est comme quand je donne une formation, je donne des formations très régulièrement, quasiment tous les lundis. J'explique toujours aux personnes qui sont là que ce que je vais leur donner comme information, c'est déjà en elles, c'est déjà en eux. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai seulement eu la chance de pouvoir ouvrir ce tiroir-là. Et je permets aux autres d'ouvrir ce tiroir-là aussi, c'est tout. Voilà. Bérénice, c'est malheureusement sur son lieu de travail. Donc on aurait vraiment eu envie de l'entendre. Elle nous dit ceci. Ma cuisine est sans lave-vaisselle et pire encore sans four. De plus, la cuisinière est en vitre céramique. La flamme d'une bonne cuisinière au gaz me manque terriblement. Elle a été aménagée à la place d'une ancienne cour, donc glaciale en hiver, une vraie serre en été. J'ai installé une petite table au centre, au départ pour y manger. Mais elle a vite tourné en table à tout faire, où l'on travaille avec un ordinateur allumé en permanence, de la paperasserie, des livres, des jouets qui s'accumulent. La luminosité de cette cuisine est son seul atout. Tout. Nous sommes locataires de cette maison, un déménagement n'est pas à l'ordre du jour. Que faire ? Merci pour vos conseils. Alors je pense déjà que cette cuisine, le point névralgique pour le moment, c'est cette table qui est au milieu de la cuisine, alors qu'en général ce serait une bonne chose. Mais puisque là, dès le départ, on a pris l'habitude d'aller y déposer des choses dessus, le centre énergétique de la cuisine est bloqué. Donc il y a beaucoup de choses qui vont déranger à ce moment-là. Il faudrait essayer d'avoir peut-être une plus petite table ou d'avoir un plan de travail qui démarre d'un des autres plans de travail de la cuisine pour y faire une espèce de petit bar, si c'est possible. Quant à la pression de manque de chaleur, c'est une ancienne véranda ou une ancienne cour. Donc moi je n'ai pas d'astuce pour que d'un coup de baguette magique il fasse chaud dans cet espace-là. La plaque vitrocéramique, c'est beaucoup mieux une plaque vitrocéramique qu'une plaque à induction au niveau vibratoire, puisqu'il n'y a pas de champ magnétique aussi fort dans la vitrocéramique que dans la plaque à induction. Effectivement, la chaleur de la flamme est irremplaçable et cuisiner au gaz est beaucoup plus vibrant pour les aliments, puisqu'on retourne à l'origine. L'homme des cavernes, il cuisinait sur une flamme, il ne cuisinait pas sur une pierre qui était chaude, il cuisinait à l'origine sur la flamme. Donc c'est la flamme qui est à la base de la vie et de la chaleur. Maintenant, donner d'autres explications par rapport à cette cuisine-là, de nouveau, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas l'auditrice en ligne. La lumière, donc c'est son seul atout, donc voilà. Très éclairé. Voilà, donc c'est une très très bonne chose. Je pense que comme il y a beaucoup de lumière, ça, il s'est peut-être un petit peu trop dispersé au niveau de l'énergie. Il y a peut-être trop d'énergie qui circule. Il faudrait peut-être ramener des chaises avec des coussins de chaises verts très foncés ou brun foncé, ramener un peu plus d'ancrage dans cette cuisine, comme si on voulait un petit peu se stabiliser. Quand je lis ce message, on sent que ça part un peu dans tous les sens. Donc il faut peut-être éviter dans cette cuisine-là, des décorations au mur trop rondes. Il faut au contraire privilégier des choses carrées, rectangulaires. Les pots pour les plantes, plutôt prendre des petits pots carrés plutôt que de prendre des pots ronds. Ramener une notion de stabilité dans cette cuisine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la ranger 25 cm carrés par 25 cm carrés. Voilà pour vous, Bérénice, qui nous écoutez sur votre lieu de travail. Dans quelques instants, Le docteur Van Snick sera avec nous. Vous le connaissez en plus. Hein, Je vais le connaître beaucoup mieux très bientôt, c'est-à-dire mardi prochain. Voilà, parce que dans l'émission Vitamine, on va vous voir. Voilà, oui. L'émission d'Adrien Deviveur, présentée par Adrien Deviveur, tous les jours à 17h10 sur la 2. Eh bien, nous avons depuis lundi donc une nouvelle séquence santé. Oui. Donc rendez-vous juste après ceci. Vivacité présente. Bon alors tu y vas? Oui, oui. Alors en 8 lettres, je mets commerce, C-O-M-M-E-R-C-E, et je marque 14 points. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais moi j'ajoute équitable. Oh, mais ça veut dire que t'as gagné ça. Ça veut surtout dire que tout le monde y gagne. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Vivacité et la Une présente le premier festival international de films de comédie de Liège. Du 23 au 26 novembre, rencontrez les professionnels du cinéma et faites le plein de rires et d'émotions au Cinéma Palace et sur la place Saint-Paul. Info fifcl.be avec la ville et la province de Liège et la région wallonne. Électro dépôt. Électroménager, TV, audio, multimédia, le moins cher toute l'année. Le choix des marques, du stock et l'assurance de produits de qualité garantie 2 ans minimum. Electro Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. Mais comment font-ils ? Nos sections internes écologiques et nos camions toujours remplis entraînent des économies. Découvrez comment vous en profitez sur electrodépôt.be et à Anderlecht, proche Shopping Cora, métro et Edimerx. Electro Dépôt. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Ceci est un message pour les professionnels du secteur HoReCa. Vous voulez tout connaître des nouvelles tendances en food, fine food, snack, boisson, cuisine, service et découvrir des solutions de management et e-management? Visitez les 2, 3 et 4 octobre à I Love HoReCa, le salon professionnel HoReCa à Tours et Taxi. I Love HoReCa, c'est aussi le lundi 3 au soir. Une nocturne champagne sur invitation de l'un des 150 exposants que vous retrouverez sur notre site. I Love HoReCa, c'est les 2, 3 et 4 octobre à Tours et Taxi. Plus d'infos à iloveHoReCa.be. Nous sommes mercredi et nous allons retrouver le docteur Van Snick comme chaque jour depuis lundi. C'est une nouveauté dans cette émission. On fait évidemment un petit clin d'œil à l'émission Vitamine en télé le soir. Bonjour docteur Van Snick. Bonjour. Nous parlons de l'aménagement de la cuisine aujourd'hui. Alors on a quand même envie de se projeter un peu encore en vacances pour ceux et celles qui vont encore prendre l'avion ou bien nous évidemment un petit peu plus tard dans l'année. C'est vrai qu'il est question de risque parfois quand on est trop longtemps assis, notamment dans des avions, dans des moyens de transport quels qu'ils soient. Est-ce qu'il y a des moyens peut-être pour éviter certains troubles peut-être comme des thromboses ou en tout cas des signes précurseurs? Oui, certainement. Le plus gros danger en avion, c'est les thromboses, c'est-à-dire un petit caillou qui se fait dans les veines. Mm-hmm. Alors pour ça, c'est très simple. Il faut d'abord se lever toutes les 2 heures et se promener dans les couloirs, au grand désespoir de vos voisins. Et puis, il faut boire beaucoup. C'est une chose qu'on oublie toujours, mais il faut, dans les longs voyages, s'hydrater énormément. Et pas tellement avec des ponches et des alcools, évidemment, mm-hmm. avec de l'eau. D'accord. Même chose pour les voitures, les longs trajets en voiture. Exactement. C'est toutes les 2 heures, on s'arrête, on fait 2-3 cumulés dans la pelouse et puis on peut repartir. Et puis, il faut aussi, bien sûr, bouger les pieds, faire des exercices, les faire tourner tout le temps. Mm-hmm. Il faut ajouter un appui-tête pour ne pas faire souffrir trop la nuque et ne pas mettre des vêtements trop serrés, bien sûr. C'est la pire des choses. D'accord. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui vont peut-être nous dire les médicaments, est-ce qu'il y a des médicaments qui aident peut-être à amoindrir tout ça, les risques? Eh bien, on a parfois prescrit des aspirines ou des injections d'anticoagulants ou même des anticoagulants par la bouche. Aucun n'a montré des effets. Et donc, actuellement, on ne prône pas de précautions particulières. Parfois, des bas à risque qu'on peut mettre quand on est touché au départ. D'accord. On bouge et on boit de l'eau. Voilà. Et on essaie d'être le plus zen possible tout le long du voyage. Merci. On vous retrouve demain. À demain. You know that girl really turned me on. Sur Vivacité. Bon. La couleur des murs. Tout à l'heure, j'ai vu passer quelqu'un qui nous parlait d'une cuisine en noir et blanc. Chez nous, Sylvie, la cuisine blanche et noire est ouverte sur la salle à manger qui donne vers le lieu de vie. Nous avons choisi une table ronde afin de garder une distance identique entre les convives. Mm-hmm. Il y a deux infos là, dans ce message. Oui. La couleur blanc et noir. Alors, la couleur blanc et noir, s'il n'y a que ça, mais ça m'étonnerait parce qu'il doit y avoir des petites touches de couleur autres que celle-là. C'est... Dans la vie, j'ai l'impression que je n'ai le choix qu'entre aller vers l'avant ou aller vers l'arrière, ou entre le oui et le c'est non. Oui. Mais c'est un peu réducteur parce qu'à mon avis, il doit y avoir des ustensiles dans la cuisine qui sont de couleur. Donc moi, je conseillerais dans ce cas-là d'en mettre une petite note vibrante de vert pomme, ne fût-ce que dans le grille-pain, la machine à café. Du vert pomme. Du vert pomme pour remettre la notion de santé, puisque la couleur de la santé, c'est le vert. Et bien justement, Sylvie Namur, on vient de repeindre la cuisine. Que pensez du bleu? Vous parlez de couleur verte. Oui, alors le bleu est un peu trop froid au niveau d'une ambiance chaleureuse dans une cuisine, mais en tout cas, ce qu'il est important d'éviter, parce que dans la suite du message, on parle du gris. Le gris, c'est la couleur du travail. Donc, lorsqu'on a une cuisine où il y a beaucoup de gris, déjà, la personne est dans une énergie où c'est un peu comme aller travailler et s'occuper de la cuisine. Ou alors, on reste tellement connecté à son travail qu'on ne prend pas le temps nécessaire à bien cuisiner ni à manger calmement. Mmh. Donc, on va peut-être avoir une information de manger trop vite aussi. Mmh. Bon, on essaie, on a bien compris, de ne pas mettre les factures sur le frigo. Non, hein. C'est pas une bonne idée. Non. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre alors sur le frigo? Nadia, bonjour. Bonjour. Nadia, votre petite question, elle vient à point nommé. Vous avez une crainte par rapport au bricolage et au dessin des enfants. Ben voilà, on parlait justement des frigos tantôt, je me suis dit, mais mince, j'ai aussi des factures, je vais les enlever, mais les dessins des enfants, j'ai pas vraiment envie mais de les oui. enlever. Mais oui, en général, c'est le premier endroit auquel on pense, Nadia. Oui. Alors, l'endroit idéal pour mettre les bricolages et les dessins d'enfants, il y en a deux. C'est le milieu du mur de droite quand on entre dans la cuisine, et le coin gauche, tout près de la porte, quand on entre dans la cuisine. Là, on va voir les bricolages des enfants qui sont à leur juste place. Si vous mettez les bricolages d'enfants sur le mur, directement face à la porte d'entrée, ça veut déjà dire que l'enfant, en général, il a une petite tendance dominante par rapport aux parents, et c'est comme si on l'autorisait à être encore un petit peu plus dans la dominance. Alors, quant à savoir si on peut les mettre sur le frigo ou pas, tout dépend d'où va être placé le frigo. Mais dans oui. la cuisine, évidemment. Bien si sûr. On a la chance qu'il soit au milieu du mur de droite, il n'y a pas de problème, ou dans le coin gauche en entrant dans la cuisine, il n'y a pas de problème non plus. Oui. Vous avez aussi, on a une question sur les frigos américains. Oui, donc là, justement, quand vous avez un frigo intégré, préféré, peu importe l'endroit où il va se trouver, il fait partie du mobilier. Tandis quand c'est frigo américain, il vaut mieux le mettre du côté gauche de la cuisine ou dans le contre le mur dans lequel se trouve la porte. Monique, elle demandait, le régime sur le frigo, c'est non alors, dit Monique. Le régime sur le frigo, moi déjà le mot régime, ça me donne des boutons, donc je préfère parler d'un bon équilibre alimentaire, de trouver la manière de bien manger, parce que qui dit régime dit fin de régime, qui dit fin de régime veut dire que je devais perdre du poids, on en a déjà parlé, on est dans une société où on ne peut pas perdre, donc quand on a perdu du poids grâce à un régime et qu'on garde en tête j'ai perdu du poids, notre cerveau s'affole, il ne veut pas que nous perdions et donc nous reprenons. Donc là on va plutôt parler d'équilibre alimentaire, de trouver la bonne méthode d'alimentation. Elle peut évidemment être sur le frigo, si ce n'est pas en termes de récession, de restriction. D'accord. Donc, en termes d'équilibre, oui. D'accord. Alors avant de se quitter, je dis bravo à Virginie Humblé de Verviers. C'est elle qui s'envolera vers la Corse grâce à Air Corsica. Vous avez remporté donc Virginie, j'entends qu'elle dit dans sa cuisine. Ouais super, c'est moi, on parle de moi à la radio. Vous avez remporté donc deux vols aller-retour pour aller là-bas. Et avant de se quitter, on vient d'en parler hors antenne. On souhaite, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on fait des émissions et les questions viennent, même qu'on parle que la cuisine aujourd'hui, les questions viennent malgré tout sur d'autres choses. On aimerait demander, Annie, à nos auditeurs de nous fournir des questions. Voilà. Des thèmes qu'ils souhaitent qu'on aborde la prochaine fois. Soit des thèmes qu'ils voudraient qu'on aborde, ou vraiment une émission uniquement question-réponse. Donc, à n'importe quel sujet, que ce soit la peur du manque, que ce soit la verbalisation, que ce soit comment bien arranger une chambre d'enfant, mon enfant a-t-il problème, que peut-on faire, voilà. Donc vous m'envoyez un email, lavidubonkote@rtbf.be, je vais vous créer un dossier. Magnifique. Mais j'en créerai pour d'autres émissions aussi. Hein. Merci Annie. C'était un super plaisir. Dans quelques instants, aller-retour. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.EU. Très belle journée à tous. Les éclaircies se développent largement sur l'ouest et le centre. Cet après-midi, on a un peu plus de nuages du côté de l'Ardenne, mais on a tout de même quelques belles éclaircies là-bas. Il fait doux malgré le vent sensible. Cette nuit, on va garder ce vent de sud-ouest. Les températures iront de 11 à 14 degrés. Et puis demain matin, on aura souvent de belles éclaircies, mais quelques nuages bas vont s'inviter sur le littoral et l'Ardenne. Dans la journée, le vent se renforcera avec quelques bonnes rafales prévues un peu plus fortes qu'aujourd'hui. Des nuages plus compacts aussi arriveront par l'ouest. Ils pourraient donner quelques petites averses sur le bord de mer. Les régions plus au sud-est de Bruxelles seront sous le soleil normalement toute la journée. Et puis côté température, elles seront inchangées par rapport à aujourd'hui. Un temps plus gris et plus frais est prévu pour la fin de la semaine avec même quelques averses au programme. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles. Quel que soit votre style, vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvator. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget. Des prix vraiment plus qu'accessibles. Des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Vilvorde et Rode-Saint-Genèse. .be La 2 en télé. Alors, revenons nos moutons. C'est bien, ça, c'est bien les moutons, parce que ça, ça met une ambiance, il y a l'égorgement. Tous les sujets hot, scannés par l'équipe du Grand Cactus, c'est ce jeudi sur la 2. Mazda Jet, c'est Dewey Car Center. Et jusqu'au 30 septembre, remise exceptionnelle sur toutes les Mazda de stock et super conditions sur les éditions suréquipées. Plus d'infos, dwcc.be. Mazda Jet, c'est Dewey Car Center. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes. Sessions sur piste, parades et bien plus encore. Inscriptions et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. Les prix cadeaux, le service et la qualité Krefel, c'est... Tous nos magasins sont ouverts ce dimanche. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Au soleil ou à la neige? Dépêchez-vous, vous avez jusqu'à ce dimanche pour profiter de jusqu'à 500 euros de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances? Il est 15h, voici le journal de Justine Hermans. Bonjour à tous, c'est dans l'air, c'est à présent officiel. La compagnie aérienne allemande Lufthansa reprend totalement la belge Brussels Airlines. Lufthansa espère obtenir un accord avec les actionnaires belges sur les modalités de reprise pour qu'elle puisse reprendre les 55% restants de la compagnie au début de l'année prochaine. Un autre accord de fusion, cette fois dans le secteur de la bière, entre le géant belgo-brésilien AB InBev et son concurrent anglais Saab Miller. Les actionnaires ont donné leur feu vert, le nouveau groupe gardera le nom AB InBev. Il y a beaucoup de monde aux assises de Mons cet après-midi pour accueillir l'amant de Véronique Piroton dans le procès Bernard Westphal. La reprise de l'audience était prévue à 14h30.